Chapitre 9e, une galerie de portraits. Je sais que vous aimez les portraits. J'étais fâché par cette raison de n'avoir pu vous en faire voir jusqu'ici presque aucun qui n'ait été de profil et qui n'ait par conséquent été fort imparfait. Il me semblait que je n'avais pas assez de grands jours dans le vestibule dont vous venez de sortir et où vous n'avez vu que les peintures légères des préliminaires de la guerre civile. Voici la galerie où les figures vous paraîtront dans leur étendue et où je vous représenterai les personnages que vous verrez plus avant dans l'action. Vous jugerez, par les tableaux et les traits particuliers que vous pourrez remarquer dans la suite, si j'en ai bien pris l'idée. Voici le portrait de la reine par lequel il est juste de commencer. La reine avait, plus que personne que j'ai jamais vue, de cette sorte d'esprit qui lui était nécessaire pour ne pas paraître sotte à ceux qui ne la connaissaient pas. Elle avait plus d'aigreur que de hauteur, plus de hauteur que de grandeur, plus de manière que de fond, plus d'application à l'argent que de libéralité, plus de libéralité que d'intérêt, plus d'intérêt que de désintéressement, plus d'attachement que de passion, plus de dureté que de fierté, plus de mémoire des injures que des bienfaits, plus d'intention de piété que de piété, plus d'opiniâtreté que de fermeté et plus d'incapacité que tout ce que j'ai dit ci-dessus. Monsieur le duc d'Orléans avait, à l'exception du courage, tout ce qui était nécessaire à un honnête homme. Mais comme il n'avait rien, sans exception de tout ce qui peut distinguer un grand homme, il ne trouvait rien dans lui-même qui pût supplier ni même soutenir sa faiblesse. Comme elle régnait dans son cœur par la frayeur et dans son esprit par l'irrésolution, elle salit tout le cours de sa vie. Il entra dans toutes les affaires parce qu'il n'avait pas la force de résister à ceux-mêmes qui l'entraînaient pour leur intérêt. Mais il n'en sortit jamais qu'avec honte parce qu'il n'avait pas le courage de les soutenir. Cet ombrage amortit dès sa jeunesse en lui les couleurs même les plus vives et les plus gaies qui devaient briller naturellement dans un esprit beau et éclairé, dans un enjouement aimable, dans une intention très bonne, dans un désintéressement complet et dans une facilité de mœurs incroyable. Monsieur le prince de Condé était né capitaine, ce qui n'est jamais arrivé qu'à lui, à César et à Spinola. Il a égalé le premier, il a passé le second. L'intrépidité est l'un des moindres traits de son caractère. La nature lui avait fait l'esprit aussi grand que le cœur. La fortune, en le donnant à un siècle de guerre, a laissé au second toute son étendue. La naissance, ou plutôt l'éducation dans une maison attachée et soumise au cabinet, a donné des bornes trop étroites au premier. On ne lui a pas inspiré de bonheur les grandes et générales maximes, qui sont celles qui font et qui forment ce que l'on appelle l'esprit de suite. Il n'a pas eu le temps de les prendre par lui-même, parce qu'il a été prévenu dès sa jeunesse par la chute imprévue des grandes affaires et par l'habitude au bonheur. Ce défaut a fait qu'avec l'âme du monde la moins méchante, il a fait des injustices, qu'avec le cœur d'Alexandre il n'a pas été exempt, non plus que lui, de faiblesse, qu'avec un esprit merveilleux il est tombé dans des imprudences, qu'ayant toutes les qualités de François de Guise, il n'a pas servi l'État en de certaines occasions aussi bien qu'il le devait, et qu'ayant toutes celles de Henri du même nom, il n'a pas poussé la faction où il le pouvait. Il n'a pu remplir son mérite, c'est un défaut. Mais il est rare, mais il est beau. Monsieur le prince de Longueville avait, avec le beau nom d'Orléans, de la vivacité, de l'agrément, de la dépense, de la libéralité, de la justice, de la valeur, de la grandeur. Et il ne fut jamais qu'un homme médiocre, parce qu'il eut toujours des idées qui furent infiniment au-dessus de sa capacité. Avec la capacité et les grands desseins, l'on n'est jamais compté pour rien. Quand on ne les soutient pas, l'on n'est pas compté pour beaucoup, et c'est ce qui fait le médiocre. Monsieur le duc de Beaufort n'en était pas jusqu'à l'idée des grandes affaires, il n'en avait que l'intention. Il en avait ouï parler aux importants, et il avait un peu retenu de leur jargon, et cela, mêlé avec les expressions qu'il avait tirées très fidèlement de Madame de Vendôme, formait une langue qui aurait déparé le bon sens de Caton. Le sien était court et lourd, et d'autant plus qu'il était obscurci par la présomption. Il se croyait habile, et c'est ce qui le faisait paraître artificieux, parce qu'on le connaissait d'abord qu'il n'avait pas assez d'esprit pour cette fin. Il était brave de sa personne, et plus qu'il n'appartient à un fanfaron. Il était en tout, sans exception, et jamais plus faussement qu'en galanterie. Il parlait, il pensait comme le peuple dont il fut l'idole quelque temps. vous en verrez les raisons. Monsieur le duc d'Elbeuf n'avait du cœur que parce qu'il est impossible qu'un prince de la maison de Lorraine n'en ait point. Il avait tout l'esprit qu'un homme qui a beaucoup plus d'art que de bon sens peut avoir. C'était le galimatia du monde le plus fleuri. Il a été le premier prince que sa pauvreté a avili. Et peut-être jamais homme n'a eu moins que lui l'art de se faire plaindre dans sa misère. La commodité ne le releva pas, et s'il fut parvenu jusqu'à la richesse, on l'eût envié comme un partisan, tant la gueuserie lui paraissait propre et faite pour lui. Monsieur le duc de Bouillon était d'une valeur éprouvée et d'un sens profond. Je suis persuadé, parce que j'ai vu de sa conduite, que l'on a fait tort à sa réputation quand on l'a décriée. Je ne sais si l'on n'a pas fait quelque faveur à son mérite en le croyant capable de toutes les grandes choses qu'il n'a point faites. Monsieur le vicomte de Turenne a eu dès sa jeunesse toutes les bonnes qualités, et il a acquis les grandes d'assez bonne heure. Il ne lui en a manqué aucune que celle dont il ne s'est point avisé. Il avait presque toutes les vertus comme naturelles. Il n'a jamais eu le brillant d'aucune. On l'a cru plus capable d'être à la tête d'une armée que d'un parti, et je le crois aussi, parce qu'il n'était pas naturellement entreprenant. Mais toutefois, qui le sait, il a toujours eu en tout, commençons par là, de certaines obscurités qui ne se sont développées que dans les occasions, mais qui ne s'y sont jamais développées qu'à sa gloire. Le maréchal de la Motte avait beaucoup de cœur. Il était capitaine de la seconde classe. Il n'était pas homme de beaucoup de sens. Il avait assez de douceur et de facilité dans la vie civile. Il était très utile dans un parti, parce qu'il y était très commode. J'oubliais presque Monsieur le prince de Conti, ce qui est un bon signe pour un chef de parti. Je ne crois pas que vous le pouvoir mieux dépeindre qu'en vous disant que ce chef de parti était un zéro, qu'il ne multipliait que parce qu'il était prince du sang. Voilà pour le public. Pour ce qui est du particulier, la méchanceté faisait en lui ce que la faiblesse faisait en Monsieur le duc d'Orléans. Elle inondait toutes les autres qualités, qui n'étaient d'ailleurs que médiocres, et toutes semées de faiblesses. Il y a eu toujours du je ne sais quoi en Monsieur le duc de La Rochefoucauld. Il a voulu se mêler d'intrigues dès son enfance, et en un temps où il ne sentait pas les petits intérêts, qui n'ont jamais été son faible, et où il ne connaissait pas les grands, qui d'un autre sens n'ont pas été son fort. Il n'a jamais été capable d'aucune affaire, et je ne sais pourquoi, car il avait des qualités qui suppléaient en tout autre celles qu'il n'avait pas. Sa vue n'était pas assez étendue, et il ne voyait pas même tout ensemble ce qui était à sa portée, mais son bon sens, très bon dans la spéculation, joint à sa douceur, à son insinuation et à sa facilité de mœurs, qui est admirable, devait récompenser plus qu'il n'a fait le défaut de sa pénétration. Il a toujours eu une irrésolution habituelle, mais je ne sais même pas à quoi attribuer cette irrésolution. Elle n'a pu venir en lui de la fécondité de son imagination, qui n'est rien moins que vive. Je ne la puis donner à la stérilité de son jugement, car quoiqu'il ne l'ait pas exquis dans l'action, il a un bon fond de raison. Nous voyons les effets de cette irrésolution, quoique nous n'en connaissions pas la cause. Il n'a jamais été guerrier, quoiqu'il fût très soldat. Il n'a jamais été par lui-même bon courtisan, quoiqu'il ait eu toujours bonne intention de l'être. Il n'a jamais été bon homme de parti, quoique toute sa vie il y ait été engagé. Cet air de honte et de timidité que vous les voyez dans la vie civile s'était tourné dans les affaires en air d'apologie. Il croyait toujours en avoir besoin. Ce qui, joint à ses maximes, qui ne marquent pas assez de fois la vertu et à sa pratique, qui a toujours été à sortir des affaires avec autant d'impatience qu'il y était entré, me fait conclure qu'il eût beaucoup mieux fait de se connaître et de se réduire à passer, comme il l'eût pu, pour le courtisan le plus poli, qu'eût paru dans son siècle. Madame la duchesse de Longueville a naturellement bien du fond d'esprit, mais elle en a encore plus le fin et le tour. Sa capacité, qui n'a pas été aidée par sa paresse, n'est pas allée jusqu'aux affaires dans lesquelles la haine contre Monsieur le prince l'a portée et dans lesquelles la galanterie l'a maintenue. Elle avait une langueur dans ses manières qui touchait plus que le brillant de celle même qui était plus belle. Elle en avait une même dans l'esprit qui avait ses charmes, parce qu'elle avait, si l'on peut dire, des réveils lumineux et surprenants. Elle eût eu peu de défauts si la galanterie ne lui en eût donné beaucoup. Comme sa passion l'obligea de ne mettre la politique au second dans sa conduite, d'héroïne d'un grand parti, elle en devint l'aventurière. La grâce a rétabli ce que le monde ne lui pouvait rendre. Madame la duchesse de Chevreuse n'avait plus même de reste de beauté quand je l'ai connue. Je n'ai jamais vu qu'elle en qui la vivacité suppliait au jugement. Elle lui donnait même assez souvent des ouvertures si brillantes qu'elles paraissaient comme des éclairs et si sages qu'elles n'eussent pas été désavouées par les plus grands hommes de tous les siècles. Ce mérite toutefois ne fut que d'occasion. Si elle fut venue dans un siècle où il n'eût point eu d'affaires, elle n'eût pas seulement imaginé qu'il y en eût pu avoir. Si le prieur des Chartreux lui eût plu, elle eût été solitaire de bonne foi. Monsieur de Lorraine, qui s'y attacha à elle, la jeta dans les affaires. Le duc de Buckingham et le comte de Hollande l'y entretinrent. Monsieur de Châteauneuf l'y amusa. Elle s'y abandonna parce qu'elle s'abandonnait à tout ce qui plaisait à celui qu'elle aimait. Elle aimait sans choix, et purement parce qu'il fallait qu'elle aimât quelqu'un. Il n'était pas même difficile de lui donner un amant de partie faite. Mais dès qu'elle l'avait pris, elle l'aimait uniquement et fidèlement, et elle nous a avoué, à Madame de Rhodes et à moi, que par un caprice, disait-elle, de la fortune, elle n'avait jamais aimé le mieux ce qu'elle avait estimé le plus, à la réserve toutefois, ajouta-t-elle, du pauvre Buckingham. Son dévouement à la passion, que l'on pouvait dire éternelle, quoiqu'elle changeât d'objet, n'empêchait pas qu'une mouche ne lui donnât des distractions, mais elle en revenait toujours avec des emportements qui la faisaient trouver agréable. Jamais personne n'a moins fait d'attention sur les périls, et jamais femme n'a eu plus de mépris pour les scrupules et pour les devoirs. Elle ne se connaissait que celui de plaire à son amant. Mademoiselle de Chevreuse, qui avait plus de beauté que d'agrément, était sotte jusqu'au ridicule par son naturel. La passion lui donnait de l'esprit, et même du sérieux et de l'agréable, uniquement pour celui qu'elle aimait. Mais elle la traitait bientôt comme ses jupes, qu'elle mettait dans son lit quand elle lui plaisait, et qu'elle brûlait, par une pure aversion, 2 jours après. Madame la princesse Palatine estimait autant la galanterie qu'elle en aimait le solide. Je ne crois pas que la reine Élisabeth d'Angleterre ait eu plus de capacité pour conduire un état. Je l'ai vue dans la faction, je l'ai vue dans le cabinet, et je l'ai trouvée partout également de la sincérité. Madame la duchesse de Montbazon était d'une très grande beauté. La modestie manquait à son air. Sa morgue, si l'on peut le dire, et son jargon eût supplié dans un temps calme à son peu d'esprit. Elle eut peu de foi dans la galanterie, nulle dans les affaires. Elle n'aimait rien que son plaisir, et au-dessus de son plaisir, son intérêt. Je n'ai jamais vu une personne qui ait conservé dans le vice si peu de respect pour la vertu. Si ce n'était pas une espèce de blasphème de dire qu'il y a quelqu'un dans notre siècle plus intrépide que le grand Gustave et Monsieur le Prince, je dirais que ça a été Monsieur Molé, premier président. Il s'en est fallu beaucoup que son esprit n'ait été aussi grand que son cœur. Il ne laissait pas d'y avoir quelque rapport, par une ressemblance qui n'y était toutefois qu'en lait. Je vous ai déjà dit qu'il n'était pas congru dans sa langue, et il est vrai. Mais il avait une sorte d'éloquence qui, en choquant l'oreille, saisissait l'imagination. Il voulait le bien de l'État préférablement à toute chose, même à celui de sa famille, quoiqu'il parût l'aimer trop pour un magistrat. Mais il n'eut pas le génie assez élevé pour connaître d'assez bonne heure le bien qu'il eût pu faire. Il présuma trop de son pouvoir. Il s'imagina qu'il modérerait la cour et sa compagnie. Il ne réussit à l'un ni à l'autre. Il se rendit suspect à tous les deux, et ainsi il fit du mal avec de bonnes intentions. La préoccupation y contribua beaucoup. Il était extrêmement doux, et j'ai même observé qu'il jugeait toujours des actions par les hommes, mais presque jamais des hommes par les actions. Comme il avait été nourri dans les formes du palais, tout ce qui était extraordinaire lui était suspect. Il n'y a guère de disposition plus dangereuse en ceux qui se rencontrent dans les affaires où les règles ordinaires n'ont plus de lieu. Le peu de part que j'ai eu dans celle dont il s'agit en ce lieu me pourrait peut-être donner la liberté d'ajouter ici mon portrait. Mais outre que l'on ne se connaît jamais assez bien pour se peindre naturellement soi-même, je vous confesse que je trouve une satisfaction si sensible à vous soumettre uniquement et absolument le jugement de tout ce qui me regarde que je ne puis seulement me résoudre à m'en former dans le plus intérieur de mon esprit la moindre idée. Je reprends le fil de mon histoire.